Fous donc ton gilet pare-balles. Fous donc ton gilet pare-balles. À base de pop, pop, pop, pop. À base de pop, pop, pop, pop. Bonjour, bonsoir, salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de notre podcast à base de papa papa. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le concept de l'émission est simple, c'est de partager régulièrement, tous ensemble, nos expériences diverses et variées, proches ou lointaines, vécues ou racontées, de nos vies de papa. Tout d'abord, pourquoi ce titre, à base de papa papa ? Eh bien, c'est tout simplement un petit clin d'œil à une chanson du groupe NTM. Déjà, ça nous faisait marrer d'avoir NTM dans un podcast de papa. Donc, ça, c'est première blague, premier niveau de la blague. Deuxième niveau de la blague, la transformation de l'expression pop pop pop pop en papa papa. Voilà, donc là on est sur un niveau qui était forcément, on est obligé de vous l'expliquer. Et le troisième niveau de la blague, c'est que cette chanson nous a toujours fait délirer. Donc on avait à cœur d'intégrer NTM et peut-être même d'une manière un peu plus globale du rap français dans notre podcast. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et les différentes rubriques que vous allez découvrir au fur et à mesure, et nous avec d'ailleurs je pense, nous tenions d'abord à nous présenter. Je m'appelle Grégoire et je suis l'heureux papa de deux charmants petits monstres. Tout d'abord mon fils Elliot qui a 4 ans et ma fille Céleste qui a 1 an. Je vis à Paris et je suis alsacien à la base. Moi, je m'appelle Fabien, je vis aux US, un petit peu entre 3 différentes villes en ce moment, basé à Dallas, mais pour le boulot à New York et un petit peu à Phoenix aussi. Je suis l'heureux papa de... enfin, stepdad, donc papa par alliance. Papa par alliance, c'est ça ? Ouais, je pense que ça doit se dire, oui. Beau-père, j'ai jamais aimé ce mot de beau-père. Et puis en plus, beau-père, ça veut dire 15 choses à la fois. Il y a le beau-père, c'est le père de ma femme. Il y a le beau-père, ouais. C'est le stepdad. C'est très bizarre, j'aime pas du tout cette expression. Stepdad, je trouve que c'est plus classe. Ouais, stepdad, voilà. De 5 enfants, hein, de tous âges, de toute nationalité, non, de tout âge, et bientôt grand-papa aussi, donc granddad. donc voilà, ça fait beaucoup de titres. Et puis, mais d'originaire de la région centre, plus particulièrement d'une petite bourgade très très sympathique, dont je ne tairai le nom, mais qui dispose de beaucoup d'atouts. Attends, alors juste pour préciser, beaucoup d'atouts, c'est-à-dire, moi je sais qu'il y a une sortie d'autoroute, mais à part ça, il y avait d'autres atouts. C'est énorme déjà. Oui, voilà, oui, c'est ça. Bien sûr. C'est une sortie d'autoroute qui est quand même relativement réputée. D'accord. Sur l'autoroute qui mène pratiquement à l'autoroute du soleil et tout. Hein, donc attention, on n'est pas non plus. Voilà. D'accord. Donc, petit podcast qui nous lie, mais malgré la différence de time zone. Hein, ouais. De fuseau horaire. Ouais, et puis la différence de situation. Oh oui. Je voudrais revenir sur ça. Moi, j'avais dans la tête ce podcast depuis un petit moment. Mais comme j'expliquais à Fabien l'autre jour, si ça avait été un podcast sur les pompiers, sur l'accouchement ou sur n'importe quel sujet que je ne maîtrisais pas, de toute façon, je voulais avoir Fabien à mes côtés. Le fait qu'il soit stepdad de 5, c'était la cerise sur Groupama. C'était un moment important et j'avais envie, moi, de partager avec Fabien cette aventure. Et je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté. C'est cool, plaisir partagé, absolument. J'ai bien hâte de commencer ça. Eh bien, sachez que nous avions une première séquence de prévu et que la joie d'être papa fait que cette première séquence est déjà obligée d'être modifiée parce que j'ai actuellement à environ 30 cm de moi une petite personne, un petit être qui a décidé de ne pas dormir. Donc, c'est quand même... très très particulier. parce que ça va faire 1h20 que cette personne est couchée. C'est embêtant, ça. Et 1h20 qu'elle me fait tourner en bourrique voilà, et que Fabien a des contraintes de horaire et qu'on est obligé d'enregistrer maintenant. Et ben du coup, elle est à côté de moi. Donc, c'est la petite, celle qui a un an. Ben oui, c'est la petite. Et l'autre, il doit dormir, à mon avis. J'espère qu'il dort quand même. Sinon, on va faire l'émission à 4, hein, il n'y a pas de souci. À 4, ben, ouais, mais écoute. Bon, remarque, j'aurais peut-être préféré que ce soit lui parce qu'on aurait pu lui poser des questions. Elle ne parle pas encore. Donc, elle ne parle pas encore. Ça va être limité. Ouais. Bon. Tu veux nous dire quelque chose? Non? Il me fait des sourires. Ok, allez, on va faire avec et puis on va se débrouiller. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie de papa, je pense que là, il n'y a pas mieux comme explication et comme entrée en matière. À base de papa, absolument. C'est tout à fait ça. Alors, ce qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était plusieurs sujets ou pas, on verra en fonction de ce qu'on va faire. Et le premier point, c'était l'obsession du moment, ce qu'on avait qualifié, nous, de l'obsession du moment. Ouais. Fabien, tu voulais commencer? Toi, tu as un exemple clair en tête? Ouais, alors moi, les problématiques sont un peu différentes des tiens, puisque ce que je n'avais pas dit, c'est que les miens ont entre 25 et 12 ans, donc vous répartissez 5 personnes entre ces deux bornes-là. Et moi, c'est celui de 12 ans qui vit encore à la maison. Et en ce moment, c'est un jeu de société qu'il veut acheter pour les vacances de Thanksgiving. Et voilà, il est venu voir au réveil 3 jours d'affilée avec différentes approches et techniques, hein, c'est assez marrant, de la projection, je dirais, mentale, en me disant, mais regarde, si on l'achète, on pourra faire ça, jusqu'à, regarde, il est pas cher, et by the way, il commence la conversation par, combien tu peux mettre? Il a 12 ans. Donne-moi ton prix. Combien tu peux mettre? Ben, je fais, je sais pas, écoute, il vaut entre 60 ou 70 balles le jeu de société, ce qui est quand même beaucoup, enfin, oui. Pas mal pour un jeu de société. Et donc, il me dit, ouais, non, mais c'est bon, écoute, j'ai 40, là, machin, je fais 40, mais il a eu son anniversaire il y a peu de temps, donc il a eu un peu d'argent. Donc voilà, bref, c'est un peu la constante négociation. Il y a toujours une obsession. Hein. Il voulait une beehive dans le jardin. Donc, une beehive, c'est une ruche. Ah, d'accord. Et, ouais, une ruche. Je fais, OK, pourquoi? Parce qu'il veut monter. C'est un businessman. Hein. Il veut monter, il veut vendre du miel. D'accord. Donc, il a fait son business plan. Il a créé sa page web. Et tout, il a 12 ans, encore une fois. C'est hein, énorme. Créer sa page web, créer son compte Facebook, son compte Twitter. Il a même créé un compte Yelp. Il a mis l'adresse de notre maison. Il a mis ouvert. Il a mis des heures d'ouverture. Il a... Bon, bref. Donc... Et il vend rien encore, du coup? Non, il vend rien. Il d'accord. Vend rien. Mais tout est créé, tout est prêt. Tout est créé, tout est prêt. Il me dit, il me faut un mot. Et tout part. Tout part. Bref, voilà, c'est un peu là. Mais bon, c'est tout le temps inattendu. Et c'est ça, c'est important pour la santé du cigare. Ouais, bien sûr. C'est tout le temps sûr. Inattendu. Mais je confirme ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a tout le temps une obsession. De toute façon, si c'est pas ça, c'est autre chose. Et si c'est pas autre chose, c'est à nouveau quelque chose d'autre. Alors, toi, c'est quoi? Ce qui est marrant, c'est que... Alors, en ce moment, je vais te raconter, mais ce qui est marrant, c'est que les sources... De ces obsessions, je suis moi toujours très amusé de voir qu'elles sont très variées. Une fois ça vient d'un copain, une fois où ça vient de l'école, une fois ça vient de quelque chose que je lui ai raconté, une fois ça vient des grands-parents. Et puis ces obsessions, elles durent, mais je te cache pas que, en tout cas pour ma part, c'est un peu mon cas aussi. Donc je sais pas si toi aussi il y a des choses où tu te focuses. Mais carrément. Ça me rassure. Et d'ailleurs, d'une manière générale, mais là je déborde un petit peu du cadre de l'obsession du jour, mais d'une manière générale, il y a beaucoup de choses qui me rassurent et que je vois chez lui, ou je le vois plus chez lui ou chez elle maintenant. Dès que ça sort du cadre, ça me rassure à chaque fois. Alors il y a le rôle, il y a le machin, il y a les positions, il y a les postures, mais il y a beaucoup de fierté dans tout ce qu'ils peuvent faire. Et alors en ce moment, l'obsession, alors son obsession à elle, en ce moment, ça va être de nous tester. Je pense que c'est vraiment la chose, elle est dans la défiance gentille, hein, avec le sourire, le regard malicieux. Mais alors, okay. Tourne la tête dès qu'elle fait quelque chose, elle nous regarde et puis elle avance un pied, elle avance un doigt. Bon, voilà, on peut pas vraiment parler d'obsession, mais c'est vraiment dans le test et c'est là où je dis que c'est top. C'est l'âge, hein, c'est carrément l'âge un petit peu du test, des premiers tests d'autorité, j'imagine. Bien sûr. Bah, et puis alors, la preuve d'autorité ultime, c'est qu'elle est juste avec moi, donc voilà, c'est sûr que ça fonctionne très bien. Mais après, il y a des moments où j'ai vraiment pas pu consacrer le temps que je voulais, même si j'avais anticipé les choses, je les avais préparées, j'aurais dit ce soir vous allez au lit un petit peu plus tôt, j'ai des choses à faire. Mais c'était pas le moment et ils avaient pas envie. Non. Donc si je les avais peut-être moins stressés et que j'avais dit bah, finalement vous allez au lit à l'heure comme d'habitude, ouais. Et ça aurait coïncidé à peu près avec le call, ça se serait fait. Mais là j'avais envie d'être un petit peu plus préparé et j'ai pas réussi à le faire. Bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. Peut-être que justement par l'appréhension, ils ont stressé l'appréhension d'aller au lit plus tôt. C'est vrai que délivrer l'information par courtoisie, je dirais, en disant en préparant. Finalement, c'est peut-être une posture qu'on fait entre adultes, mais qui n'a pas forcément je dis ça, pour attester l'autre cas qui est le soudain « ok, bah, on lit maintenant ». Oui. Mais ça, justement, alors moi, plutôt sur des choses, pas pour le lit, parce que le lit, c'est un petit peu spécial, mais pour le reste, la prévention, pour moi, c'est une énorme arme, une énorme clé. Le fait de dire encore 3 tours de toboggan, encore 2 tours de toboggan, attention, c'est le dernier. Et puis, et ensuite, ils viennent dire, je peux encore ? Je dis, bah non, et ben, ça râle pas. Alors que c'est, attention là, t'as vu ? Ben, ça, c'était le dernier. Alors là, ça, c'est infaisable. Ouais, intenable. Non, ça, c'est clair. Non, carrément. Mais bon, pour le lit, c'est un petit peu spécial. Alors, je vais quand même revenir à l'obsession du moment pour Elliot. L'obsession du moment, c'est l'univers Harry Potter. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Je sais qu'à 4 ans, normalement, il ne devrait pas trop connaître. On a déjà commencé à le lire un petit peu. Et puis, moi, un jour, j'ai craqué. Et puis, on l'a regardé. On a regardé le premier film ensemble, avec ma femme aussi, je crois. On l'a fait avec lui, on lui a expliqué, on a mis pause de temps en temps, on l'a prévenu, les choses, on le fait souvent dans des films, alors on regarde pas non plus trop de films qui sont pas pour son âge, mais quand il y a des choses, un jour il a regardé E.T., je crois qu'il avait 2 ans parce qu'il voulait pas, il voulait pas dormir, donc nous on a commencé à regarder le film, je sais plus comment ça s'est fait, puis il a regardé avec nous. Et il y a eu un moment où il y a eu un peu de panique et on dédramatisé, on a dit mais non regarde, c'est les gentils, alors qu'en fait c'était vraiment effectivement un peu inquiétant. Et lui il l'a pris sur le ton de la rigolade et voilà, et c'est ce qu'on a fait pour Harry Potter le numéro 1. De toute façon pour l'instant c'est numéro 1, mais ça lui a permis, en fait ça faisait un petit moment que je le teasais un peu sur l'univers Harry Potter. Et quand j'ai vu qu'il était arrivé un peu au bout de l'imagination et qu'il n'arrivait pas à se projeter, je me suis dit, quand il verra le film, il va repartir pour un tour. Et ça n'a pas loupé. Et là, c'est l'obsession totale. Alors, en plus, on était à Londres. On est allé à la gare Harry Potter. Il a poussé le chariot. Enfin, voilà. Ouais. Ça, c'est... Là, c'était son anniversaire. Super. Il a eu la cape. Il a eu les lunettes. Il a eu la baguette. Voilà, mais ça a démarré par le fait que je lui raconte l'histoire. Alors j'avais commencé par lui lire, mais lui lire c'était un petit peu compliqué, et puis c'était pas très simple parce que c'était il y a un moment. Maintenant ça irait peut-être mieux, d'ailleurs on a un petit peu repris et ça se passe un peu mieux, mais j'avais commencé à lui raconter les choses, à lui raconter les histoires, et du coup ben, il était très intéressé, très curieux. Il me demandait toujours de lui raconter les mêmes, c'est pour ça que là on est vraiment dans l'obsession. Et puis voilà, ouais, c'est super. Écoute, mais je suis curieux de voir justement, tu vois, il y a des films comme ça, j'aimerais bien faire découvrir. Bon, bien évidemment on n'est pas dans la même tranche d'âge, mais même à 12 ans, tu sais, les films rated R, je sais pas, mature en français, ouais, après en France c'est tout ce qui est, c'est par âge, donc moins de 12, moins de 16, je pense que ça doit être ça, rated R, à mon avis ça doit être moins de 12, je suis pas sûr. C'est rated R, c'est en fait tu dois être c'est 17 ou plus ou 18 et plus. mais ouais, tout est rated. Ce qui correspond à 12 en fait en France. Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Exactement. Donc ce qui est un peu étonnant, parce que tout est, du coup, il y a certains films, tu vois, et ça serait pas justifié, mais parce que effectivement, il y a un gros mot ou quoi que ce soit. Bon, quand t'as 12 ans, c'est sûr qu'on essaie d'éviter de l'exposer à ce genre de discours, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu une argumentation personnelle que j'ai, parce qu'il y a certains films, je suis fan de sci-fi, oui, et il est aussi de science-fiction, et il adore ça, tu vois. Je veux faire partager certains trucs de science-fiction, et c'est vrai que malheureusement il n'y a pas grand-chose que je peux faire partager, parce qu'il y a toujours la scène de Ham Ham, mm-hmm, ou whatever, et c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, on passe entre les gouttes de temps en temps, ouais, et en passant, en fast-forwardant un passage, mm-hmm, mais on a maté Matrix ensemble, oh, et moi c'était le 1, tu vois, donc voilà, évidemment, il y a des passages qui sont, mais il n'y a rien de méchant dans ce film. Ah, il y a un peu de violence. Un peu de violence. Je pensais plus à la partie sexe. Il y a rien d'incroyable. Il y a rien. Non, il y a rien du tout dans la partie sexe. Il y a par contre une. Il y a un moment assez dur où il sort du cocon. Tu sais, oui. C'est un peu raw, très cru en termes d'expérience. Oui, il est nu là. Il est nu donc. Il est nu et puis il y a les bruits des câbles qui sortent de sa colonne vertébrale, et j'ai vu qu'il avait plissé un peu les yeux sur le coup. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Un petit peu, je m'attendais pas à ça non plus, mais c'est vrai que je me rappelle, et pareil pour le coup de l'acupuncture après, c'est bête, hein, tu vois, tu as un peu l'impression que ça pourrait être un big deal, mais tu sais, ils lui font de l'acupuncture juste après pour redynamiser ses muscles, et c'est vrai que ça aussi, de voir toutes ces aiguilles partout sur le corps, c'est quelque chose qui est, tu vois, tu t'imagines, tu projettes un peu ton inner self, mm-hmm, dans le caractère. Donc c'est vrai que c'est j'ai vu quelques réactions que je m'attendais pas, mais sinon il a kiffé, bien évidemment, quoi. Mm-hmm. Il a adoré le truc, mais il faisait des critiques genre, ah ouais, mais bon, c'est pas très bien fait ça. Et je me dis, oui, ça date de 99, arrête. Ouais, c'est ça. Et donc et c'est trop marrant, parce que pour moi, je m'en souviens, un choc générationnel, ça n'arrête pas en ce moment, les chocs générationnels où je me dis, mais non, mais c'est vachement bien, arrête. Et le mec me dit, non, mais c'est vieux, et c'est fait en 2000, quoi. Donc. Et pourtant, tes 5 enfants ont 25, de 25 à 12 ans, enfin, je veux dire, moi, le choc générationnel, ouais, il va être violent. Quand il va regarder Matrix, il va me dire, mais c'est quoi ça? Attends, c'est en couleur, la blague. Charlie Chaplin? Voilà, Charlie Chaplin, exactement. Non, mais la couleur, ce sera même plus, ça n'existera même plus, tu vois, ça sera autre chose. C'est pas en 3D, je comprends pas. Ça vient pas dans mon casque de réalité virtuelle. Parce qu'en plus, ça dure 1h30. Attends, excuse-moi, moi, la dernière vidéo que j'ai regardée, elle a duré 4 secondes, ça m'a suffi. J'ai compris la mécanique quantique, les bases, voilà. Donc, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un choc générationnel, c'est assez marrant. Et c'est aussi important, je vais te dire un truc, bon, je ne veux pas trop enchaîner sur le sujet, mais il y a certains shows, certaines séries, par exemple, que je veux qu'ils regardent, enfin, je l'invite à regarder, mm-hmm, parce qu'ils sont vecteurs de valeurs que tu n'as plus aujourd'hui dans les séries d'actuelles. Oh, c'est super intéressant, ça. À quoi tu penses et par rapport à quoi? Ah, écoute, la première, moi, la série qui m'a bercé dans mon enfance, qui a créé... X-Files un... Non, pas ça. Quad Quantum. Ah, Quad Quantum, tu sais, oui, bien sûr, oui. Ouais. Ou Quantum Leap, hein, pour ceux qui veulent le titre anglais. Alors, ils sont dispo sur quoi, on a acheté la première saison sur Amazon. Bon, moi, je l'ai fait découvrir à Kisha, ma copine, qui m'a évidemment qui a kiffé. Mais au-delà de ça, je l'ai exposé à aux valeurs qui étaient transmises dans cette série. Elle m'a dit, ah, mais il faut que Kaden, c'est le petit 12. De 12 ans, faut qu'il le voit, faut qu'il commence à regarder, parce que c'est vraiment stylé. Voilà, elle est d'accord. Voilà, donc là, exactement. Et je pense que Quantum Leap, ça a fait un succès incroyable. Bon, bah écoute, auprès de ses... Tu sais quoi, eh bien, elle regardera Quantum Leap avec moi dans quelques semaines. Dans quelques semaines, voilà. Donc écoute, c'est vraiment un bon show, donc je le conseille vraiment. Ok, et est-ce qu'il y avait quelque chose que... Je sais pas si tu avais une idée en tête de série que lui est en train, ouais, de regarder, par exemple, et qui véhicule moins de choses ou pas grand-chose, ou tu avais analysé quelque chose ou quand même pas, non. Ouais, il a maté dernièrement, il mate beaucoup d'animés, pas d'animés japonais, mais d'animés du style. Ah, j'ai perdu le nom, mais je pense que c'est pas Springfield, mais c'est un peu, tu sais, des animés un peu. Comment dire comme les Simpsons. Mm-hmm. Ouais, comme les Simpsons. Mais il y en a une flopée, hein, il y en a plein. Oui. Ils sont trop récents pour moi pour que je les comprenne, pour que je les connaisse. Mais en gros, c'est plus de l'humeur, close, de l'humeur américaine, l'humeur, tu sais, un petit peu d'ado, pré-ado, ado américain. Donc ils regardent ça et ils matent beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTube. Donc, genre, ils se connectent sur YouTube, ils regardent ses YouTubeurs préférés, ses gamers préférés. Et tu sais, et c'est devenu vraiment un vecteur. Moi aussi, hein, en tant qu'adulte, quand je mate aussi ça, je suis très, très friand de ce genre de contenu. Mais, je me rends compte d'un truc, c'est que, bah, il manque quand même des valeurs, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé tout de suite avec YouTube. Et il y a une raison pour ça. Enfin, en tout cas, je suis content parce que je trouve quand même qu'il manque des valeurs de famille, les valeurs du respect de la femme, de la valeur du travail, des choses comme ça. Et ben, ces valeurs-là, elles sont transmises par Quantum League, par exemple. Et je trouve ça assez stylé. D'accord, ok. C'est vrai que ça manque vachement. Je veux pas jouer mon vieux con, mais je me rends compte quand même que les YouTubeurs, à part enregistrer du contenu et faire, comment dire, essayer d'avoir des partenariats pour faire de la. En fait, tout en jouant, en gagnant de l'argent, bah, c'est bien, mais je pense qu'il y a plusieurs autres choses à voir quand tu as 12 ans, quoi. Donc voilà, c'est un peu okay. Mon point de vue là-dessus. Toi, comment ça. Bon, évidemment, tu m'as dit que tu les exposes à de la. Tu exposes Elliot à Harry Potter. Quels autres vecteurs tu as trouvé pour, de manière éducative, hein, pour commencer un petit peu à préparer le terrain? En fait, je ne suis pas certain. Que je l'expose, peut-être, il a 4 ans, il vient d'avoir 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais ce sont les questions que je me pose déjà, c'est sûr. Mais ce à quoi je fais attention après, c'est que il puisse regarder un livre, qu'il soit attentif à ça, qu'il soit attentif à la télé, qu'il soit attentif un peu à tout. Mais à la musique aussi, il y a aussi beaucoup de musique qu'on écoute ensemble. Et par exemple, ce week-end, je portais un t-shirt des Beatles, qui est un petit peu stylé, un petit peu stylisé. Et en fait, c'est les Beatles à travers les époques. Donc il y a, je le porte en plus en ce moment. Il y a 3, 6, 9, 12... 15, il y a 15 périodes des Beatles, donc du début jusqu'à la fin, qui sont représentées. Ils sont à chaque fois les 4 habillés différemment. Ouais. Et donc, ils ont des petites têtes marrantes et il a repéré que c'était toujours 4 fois les mêmes qui étaient répétés, qu'ils étaient à chaque fois habillés autrement. Donc, il m'a demandé à quoi ça correspondait. Et ben, j'en ai profité pour lui faire écouter quelques petites choses des Beatles, même s'il en connaissait déjà une ou deux, les chansons. Ouais. Et voilà, tu vois, aujourd'hui, c'est je fais super, plus attention à la variété qu'aux valeurs que ça transporte. Mais... Ouais, mais bon, attends, c'est parce qu'ils n'ont pas le même âge non plus. Oui, c'est vrai oui, que c'est sûr. Important de. Et je pense que dans ces âges-là, c'est clair que la façon déjà de faire varier le média. Et non pas toujours de passer par l'image. Je trouve ça super super cool comme choix. Ah mais c'est parce que c'est sûr, comme tu le sais. Aujourd'hui, rien sans image. Je suis d'accord qu'on transmet toujours quelque chose la transmission est toujours plus efficace avec une image, mais la preuve en est, c'est qu'on recorde en audio. Voilà, exactement. Donc, et je trouve qu'il y a aussi une autre émotion qui peut être transmise. Enfin, bien évidemment, étant joueur de musique, c'est clair qu'il y a joueur d'instrument, c'est clair qu'il y a clairement d'autres émotions qui sont là et qui sont pas forcément. Il n'y a pas forcément d'invitation en tant que telle à écouter de la musique ces jours-ci, dans le monde dans lequel on vit. Donc je trouve ça super cool que tu l'exposes à ce genre de contenu et surtout du contenu de qualité, quoi. Oui, non, mais alors, commencer par les Beatles, c'est sûr, ça va, il y a pire. Non, mais en fait, alors, pour vraiment être honnête, je repense à quelque chose. Je portais le t-shirt, donc on en avait parlé un petit peu, et il était en train de fredonner une chanson que je n'aime pas, donc voilà, c'est tout. Après, c'est les goûts et les couleurs. Et ça, c'est mon côté un petit peu extrême. Et je lui ai dit, ça, par contre, c'est non. Tu ne chantes pas cette chanson. Ça ne me plaît pas. Et si tu veux, tiens, on parlait des Beatles avant, on va écouter les Beatles. Et il a beaucoup aimé. Il m'a posé des questions et je lui ai fait écouter des choses un peu spéciales. Je lui ai dit, là, tu vois, qu'est-ce que tu reconnais comme instrument ? Enfin, bon, voilà. Pour revenir à Harry Potter, une des choses qui me guide dans ce que je lui fais découvrir et ce qui m'a énormément guidé dans Harry Potter, c'est de développer des univers d'imagination. Il manque pas d'imagination, ça c'est sûr et certain, mais j'avais envie qu'il ait quelque chose de nouveau, et il a été totalement ébahi et abasourdi par, ouais, par tout l'univers qui est phénoménal d'Harry Potter. Alors le livre, je sais pas à partir de quel âge il est recommandé. Mais le film, j'avais vu sur internet que c'était comprendre à partir de 7 ans, quelque chose comme ça, ou à partir de 6 ans, ou 7 ans, je crois que c'était 7 ans pour être vraiment honnête. Ouais. Et puis, il peut regarder Sans danger à partir de 7 et il peut comprendre à partir de 9, un truc comme ça. Mais bon, je me suis dit, comprendre tout seul, c'est un truc, mais il est avec nous, donc on va lui expliquer, on va prendre le temps. Et puis, il nous a posé des questions, Et beaucoup d'imagination ont découlé de tout ça, donc je regrette absolument pas mon choix, même s'il y a quelques scènes. Est-ce que tu conseillerais, toi, de lire avant ? Est-ce que t'as, pour le livre en tant que tel, tu relis avant le passage, juste avant de le lire, juste pour ne pas être surpris par quelque chose qui est dit ? Ou est-ce que tu fais confiance justement à l'explication par la suite pour contrôler un petit peu le message ? Alors ça, tu vois, ça doit être typiquement américain comme réaction, le fait de bipper les fucks, tu vois. Mais alors absolument pas, ça ne me traverserait pas l'esprit. Je comprends bien. Pardon de te dire ça, je sais pas si c'est quelque chose de ton côté, ou si c'est le fait que tu fais peut-être plus attention parce que tu as 12 ans et que moi je n'ai que 4, même si je fais aussi attention. On pourra en reparler plus tard. Je lis je connais Harry Potter, donc je sais qu'il va pas y avoir de gros dangers, je connais à peu près les scènes, même si ça fait longtemps que je les ai pas lues. Mais non, je ferai pas de prévisionnage. Non, je m'infligerai pas à le regarder deux fois, ou enfin je sais pas, non. De faire une coupe dans le récit et puis dire, et il va te poser la question plus tard, mais attends, ça colle pas là, il y a un faux raccord. Devant les scènes de violence, nous allons vous projeter la reproduction de la mangouste. Exactement. Non, c'est intéressant. Je trouve que ces questions-là sont vraiment intéressantes. Puis c'est toujours sans fin, parce que tu as tellement envie de partager. Tu vois, ton gamin, ça devient aussi un peu ton ami. Pas tout de suite, tu vas voir, mais tu sais, quand il a 12-13 ans, il est fun, tu vois, il commence à être fun, oui, et à avoir des private jokes ensemble et tout, donc on... Mais tu sais, Fabien, ça, il a 4 ans, on a déjà des private jokes, il y a déjà des petites choses, et il est déjà plus fun, il est déjà plus fun qu'avant. Il boit, donc il est plus fun déjà, oui, il boit, oui, et puis... tout à fait, il boit plus que moi, bon c'est pas dur, mais il boit plus que moi. C'est ça. C'est cool, c'est vraiment, vraiment stylé, ce sujet-là. Et puis, encore une fois, le partage, il n'y a rien de vrai que de partager une œuvre pour la rendre vivante. Et je voulais juste te dire que s'il kiffe vraiment Harry Potter s'il maintient cette passion-là, mm-hmm, Universal Studio à, mm-hmm, à Los Angeles, et Kishel y est allé avec Colin, le second, il est allé pour ses 17 ou 18 ans, je sais plus, 17 ans, et ils sont juste visité le parc Universal Studio, mm-hmm, ils ont recréé l'ensemble de l'école, je crois, ou un truc du genre, une, mm-hmm, grosse partie, mais elle m'a dit, mais c'est malade, c'est tellement vrai, plus vrai que nature et tout, donc c'est un truc à faire, quoi, absolument. Si tu as l'occasion, okay, ça sera pas tout de suite, parce que encore une fois, et ça sera une autre question qu'on pourra se poser, c'est combien tu fais vivre à un enfant de 4 ans, parce qu'il va se rappeler de certains trucs, mais ouais, pas tout. Ouais. Et donc, du coup, c'est toujours la question. C'est aussi une question assez intéressante. C'est sûr. On s'est déjà posé, on s'est déjà dit, eh ben, ça, il s'en souviendra peut-être pas, et ça, il s'en souviendra. Après, il y a les photos qui l'aident à se souvenir. Après, je ne sais pas s'il joue de ça, s'il dit, bah, tiens, oui, je m'en souviens, ou si c'est parce qu'il connaît bien les photos. Mais oui, c'est une autre question qu'on pourra aborder. Fabien, je te remercie pour ce premier épisode qu'on va conclure là-dessus. On a parlé, on a essayé de parler des obsessions du moment, et on a forcément dérivé. C'était le but. Moi, ça me va très bien. Je sais pas si toi, ça te convient aussi. Non, c'est parfait. Écoute, tu vois, d'un sujet à un autre, on a rebondi. Je pense que c'était super intéressant. Puis il y a tellement de choses. Là, tu vois, dans la dernière discussion qu'on a eue, il y a bien au moins 5 ou 6 sujets qui seraient très intéressants à aborder. C'est sans fin. Exactement, tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête ici. On garde des sujets sous le coude pour les fois prochaines. Et puis, si vous qui nous écoutez, vous avez des remarques à faire sur ce qu'on a dit, en nous insultant, en disant c'est une honte de regarder Matrix à 12 ans et Harry Potter à 4 ans, et Code Quantum. Si vous avez des sujets, vous partagez des sujets avec nous, vous dites bah, ça, moi j'ai été confronté à la même chose et je m'en suis sorti comme ça, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aime pas non plus quand mon fils écoute des mauvaises chansons et je préfère lui faire écouter des musiques à moi. Mais il faudra que je fasse attention à lui laisser quand même un peu d'espace aussi. Et ne pas le violenter pour ces raisons-là aussi. Enfin, non, pas tout de suite. Et puis, donc si vous avez ça, et puis si vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez et que vous voulez partager, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous écrire. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier Fabien de m'avoir accompagné pour ce premier beaucoup. Épisode. Merci. Je voudrais également remercier Céleste de nous avoir accompagnés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser déjà à couper tout ça. Et puis je vous enverrai la photo du dessin qu'elle nous a fait. C'est un beau dessin. Elle m'a fait un très beau dessin. Ah ouais. Et ah ouais, ça m'a permis de... Alors, elle a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 couleurs différentes. Bien sûr. Et à chaque fois, le feutre était allé à chercher à l'autre bout de la table. Donc, c'est ce qui l'a occupé, à faire 12 allers-retours. Et à chaque fois, faire 3 traits de chaque couleur. Vous verrez, c'est un dessin merveilleux. C'est magnifique. Ça sera la couverture de l'épisode. Merci à vous. Merci Fabien, encore une fois. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast à base de papa papa. Papa. C'est de la bombe bébé.